Première règle, s'interdire toute ingérence, de quelque nature qu'elle soit, politique, militaire ou autre. La France ne l'accepterait pas chez elle, elle n'a pas à le pratiquer chez les autres. Deuxième règle, encourager nos partenaires africains, selon les modalités et le rythme de leur choix, à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance, élément essentiel de la confiance, confiance intérieure des opinions ou extérieure des investisseurs, confiance essentielle pour le développement, condition même du développement. Il y a dans ces propos de Jacques Chirac, prononcés en 1997, un mélange d'éléments de continuité et d'éléments de rupture. Continuité dans le maintien de liens forts, privilégiés, et dans la politique d'assistance. Rupture parce qu'il faut bien répondre aux défis nouveaux que l'Afrique rencontre dans les années 1990, défis qui sont ceux de la gouvernance, de la démocratie, de la gestion des conflits et de la sécurité, et défis auxquels les Africains eux-mêmes commencent à répondre. Qu'il soit ministre de la coopération ou conseiller pour les affaires africaines des présidents de la République, ils sont les hommes chargés de mettre en application cette politique française dont les tendances majeures viennent d'être ainsi dégagées. Ce qui n'interdit pas les différences de tempérament et de conception de l'action. Ainsi Jacques Faucard, efficace et très discret conseiller pour les affaires africaines des présidents de Gaulle et Pompidou, de 1960 à 1974, ainsi que du premier ministre de la première cohabitation, Jacques Chirac, de 1986 à 1988. Jacques Faucard, que nous écoutons interviewé en 1984 par le journaliste sénégalais Demba Dieng pour le compte de l'émission de RFI « Mémoire d'un continent ».